Chapitre 7e, le bal des fleurs. De joie de se trouver réunis après tant de vicissitudes, les premières fleurs de retour se décident à donner un bal avant de reprendre leur forme primitive. La fée aux fleurs avait fait construire une salle de bal magnifique. Mais nous nous dispensons d'en donner la description, attendu que les fleurs n'y entrèrent pas. Elles préférèrent danser en plein air. Il est vrai que le plein air au pays des fées ne ressemble nullement à celui de nos climats. Le ciel est si rapproché de la terre qu'il ressemble à un plafond parsemé d'étoiles. Le vent est caressant et léger, on dirait une gaze invisible. Les fleurs d'ailleurs craignaient, en se retrouvant dans un salon, d'être obligées de se rappeler la terre. Des milliers de lucioles, girandoles vivantes, traînaient partout comme une mouvante illumination. Rien n'était joli comme de voir ces insectes gracieux décrire sous la tête des danseuses leurs courbes lumineuses. Enfin l'orchestre commença. Il était entièrement composé de rossignols, membres du conservatoire de la fée de la musique. L'oiseau bleu le dirigeait en marquant la mesure avec un bâton d'or incrusté de diamants. Les musiciens jouèrent d'abord une contredanse, puis une polka, puis une valse, ainsi que cela se pratique maintenant dans les salons du grand monde. Au bout de deux contredanses, les fleurs se sentirent fatiguées. « Comment avons-nous pu voir un plaisir dans la danse ?» se disent-elles avec étonnement. La belle de nuit elle-même ne comprenait pas la passion qu'elle avait eue pour les bals masqués. « Tous ces pas, disait le lys, ne valent pas le doux balancement que m'imprime le zéphyr. »« Elle a raison, répétèrent toutes ses compagnes. Plus de danse. Allons supplier la fée de mettre fin à notre métamorphose et de nous rendre au doux balancement du zéphyr. » La reine Marguerite présidait en ce moment un immense galop. Il fallut le rompre et se joindre aux autres fleurs qui s'avançaient vers la fée. En reconnaissant leur ancien asile, le premier sentiment qu'elles éprouvèrent fut un sentiment de joie auquel succéda bientôt la crainte. Quel accueil allait leur faire la fée? Elles étaient parties malgré elles, sans vouloir écouter ces sages avertissements. Maintenant, les trouverait-elles assez punies? Consentirait-elle à les recevoir? Aucune d'elles n'osait s'avancer pour sonner et se faire ouvrir la grille du jardin. Tout à coup, la porte s'ouvrit comme d'elle-même à deux battants, et l'on vit paraître la fée. Les fleurs tombèrent à ses genoux en versant des larmes, mais elle les releva avec bonté. « Entrez, leur dit-elle, pauvres enfants, venez reprendre près de moi la place que vous n'auriez jamais dû quitter. » L'oiseau bleu était perché sur l'épaule de la fée. « Bah, reprit-elle, gentil messager, retourne sur la terre et guide vers moi les pauvres égarés qui ne savent plus retrouver le chemin de la patrie. » L'oiseau bleu agita ses ailes de turquoise et prit son essor. Pendant toute la journée, la grille du jardin s'ouvrit et se referma plus de 20 fois. Les fleurs rentraient par bandes nombreuses. Le soir, 2 ou 3 retardataires seulement manquaient à l'appel. Le bleuet et le coquelicot se présentèrent ensemble, suivis du liseron, qui avait beaucoup de peine à marcher. L'aubépine guidait la marche de la belle de nuit, dont les yeux faibles ne pouvaient supporter la clarté du jour. Le lys, la rose, la capucine, le jasmin, le chèvrefeuille, l'œillet, l'oranger, la pervenche, l'aubépine, le grenadier, la violette, la pensée, la tulipe, la guimauve, l'églantine, le myrte, le laurier, le narcisse, l'anémone, toutes les fleurs dont nous avons raconté l'histoire avaient éprouvé le besoin de cesser d'être femmes. Elles étaient venues en même temps solliciter le pardon de leur souveraine. Pas une qui ne revit avec délice les lieux où elle était née, pas une qui ne se rappela, avec une terreur mêlée de honte, les heures qu'elles avaient passées sur la terre. Bluette et Coquelicot, les deux bergères, songeaient à la trahison dont elles avaient été victimes de la part des deux bergers si langoureux mais si infidèles. La pensée maudissait les hommes qui, à l'envie les uns des autres, semblaient se faire un plaisir de la repousser. L'aubépine frissonnait en pensant au sécateur. La tulipe se demandait comment elle avait pu s'habituer aux ennuis du sérail. L'églantine tremblait intérieurement qu'en punition de son escapade, la fée ne la força à lire les livres qu'elle avait composés du temps qu'elle figurait parmi les bas bleus. La capucine, libre en plein air, plaignait du fond de l'âme les pauvres jeunes filles qu'on condamne à vivre dans un couvent, ainsi de suite des autres fleurs. La fée, cependant, ne songeait pas à se venger, ainsi que l'églantine et quelques autres fleurs paraissaient le craindre, surtout en voyant qu'elles ne se hâtaient pas trop de leur faire quitter leur costume terrestre. La fée avait son projet. Nous le révélerons tout à l'heure. Lorsque la fraîcheur commença à descendre du ciel avec l'ombre, la fée réunit toutes les fleurs dans son palais. « Mes filles, leur dit-elle, je pourrais vous faire de la morale, mais je m'en dispense. Je lis au fond de votre cœur et je vois qu'il vous adresse lui-même une semonce que toutes les miennes ne vaudraient peut-être pas. vous vous contenterez désormais d'être fleur, j'en suis certaine. Si cependant, quelqu'une d'entre vous voulait devenir femme tout à fait, elle n'a qu'à le dire. Je donne ma parole de fée que son souhait sera exaucé à l'instant. » Un silence universel accueillit cette proposition. « Maintenant, reprit la fée, allez vous reposer. Demain commenceront les fêtes par lesquelles je veux célébrer votre retour. C'est pour cela que je vous ai laissé conserver vos vêtements humains. Tous les sylphes du voisinage y seront invités. » Les fleurs crièrent « Vive la fée !» et défilèrent devant elle. Il y eut un baisement général. Ainsi s'achève « Les fleurs animées » par Alphonse Karr.